comment rentre fi al-majzoum. Donc il dit sabian ta'ammal ma yali, médite ce qui suit. Yahujju, ça c'est l'origine, il est marfou. طيب avec une damma. Tu veux dire lam yahujj. طيب quand tu rentres lam, lam yahujj. L'origine c'est quoi? Lam yahujj. طيب avec deux djim, tous les deux qui le soukoun. Et cela n'est pas faisable. Comme on a dit, tika sakinay. Donc on fait quoi? On fait comme l'amr. On refait l'idrom, on met une fatha. Tu dis lam yahujja. Et cette fatha, des fois, juste pour empêcher le tika sakinay. Pareil, tajurru. Tu tires ou tu traînes. Avec le lainahia, pour interdire, qui est aussi un harf jazm, tu dis la tajur. Toyeb, la tajur. Et l'origine, c'est la tajur. Avec deux ra. Et tous les deux qui le soukoun. Donc comme c'est pas faisable, on refait l'idrom. On remet les deux ra ensemble et on met une fatha. La tajurra. C'est-à-dire, la tajurra. Ne tire pas ou ne traîne pas. Donc il dit maintenant, Azib an asilatil atiya bin nafi mustamilan lem. Donc répond à la question suivante. C'est-à-dire, avec une négation en utilisant lem. Masalan, il dit, e hajashta. As-tu accompli le hajj? Donc il dit, la lem ahudja. Non, je n'ai pas fait le hajj. طيب ثانيا تفضل اسال ما جوي طيب ا عددتي هذه الكتب يا بنتي as-tu compté ces livres ou ma fille la lam a'udda نعم tu peux me dire lam a'uddaha ضمير pour le revenir en kutub نعم ثالثا ا سببت زميلك هذا يا علي as-tu insulté ton camarade ou Ali. La, lam asubba zamili. Naam. Rabi'an, amarra al-mudiru wa al-fusul. Est-ce que le directeur est passé dans les classes? La, lam yamurra al-mudiru wa al-fusul. Tayyib. Khamisan, a sub. Naam. Ouais, pas de faire, on ne sait pas si c'est un mot à Dakar. On va dire ta. Ça peut être ti aussi, qui ne précise pas. As-sababta al-ma'a alladhi kana fil koub. As-tu versé l'eau qui était dans le verre? La. Lam asubba. Tayyib. Thadisan. Ashamimta raihatan karihatan indama fatahta bab al-hammam. Donc, as-tu senti une mauvaise odeur lorsque tu as ouvert la porte du hammam? Indama. Indama, ça se traduit par lorsque. Quand? Parce que souvent, au début, quand les gens ne savent pas, ils disent quoi? Ils disent mata. Par exemple, ils vont dire quoi? Ashamimta rihatan kalihatan mata fatahta bab al-hammam. Donc, il faut savoir, en arabe, quand on veut dire un quand qui n'est pas une question, lorsque ou au moment, on va utiliser indama. Il y en a d'autres encore. Hinama ou beinama, ainsi de suite. Tayyib, faddal. La, lam ashammaha. Lam ashammaha. Tayyib. Tasiran. أطل لا الناهية على الفعل الذي أمام كل جملة وأكمل به الجملة. Donc tu rentres la الناهية, ce qui est حفظ جزم, dans les verbes qui sont devant chaque phrase, et tu complètes la phrase avec ce verbe. تفضل جملة الأولى. لا تصب لي مزيدا من القهوة. نعم. يعني ما me verse pas encore du café. نعم. La tadunna an al imtihan sayakun sahla. Yani ne pense pas que l'épreuve sera facile. Naam. La tasubba akhaka al muslim. Yani ne suis pas ton frère le musulman. La ta'udda hadhihi riyala. Yani ne compte pas ces riyal. La tamurra bayna yaday al musalli. Et ne passe pas entre. Ben, ne passe devant. Pas devant le Moussalli. Non, Benayadei. C'est une expression. Hein. Ouais, c'est une expression qui veut dire devant, en fait. Amam. Tu vois, Benayadei, ça ne veut pas dire entre les mains. Ça veut dire devant. Ça, Adisan? C'est figuré, ça. La tajurra saburata min makaniha. Tani ne tire pas le tableau de sa place. Ne l'enlève pas de sa place, c'est ça. Taïeb. En vrai, tu dis quoi? Ashiran. Isnadu adda il al damair. Donc il va te montrer ici comment on attache les damair au fil adda, qui est aussi mudaaf. C'est la même règle pour tous. Donc c'est la même règle. Omar dit. Donc tu dis quoi? Hamidun adda. Ey hua. El aouled addu. Là on n'a rien, on a juste mis au jama'a. Aminatu addat. Donc là il n'y a rien pareil, on a mis ta'anif. El benatu adadena. Donc là on a fait l'hydrome. On a fait le sec, on a séparé l'hydrome. C'est-à-dire on a défait l'hydrome, on a séparé entre les deux d'elles. L'un avec une fatra et l'autre avec une soukoun, et on a mis une histoire après. Anta adadata. Comme on l'a pris avec tout au début, hajajtu, zanantu, marrotu, c'est pareil. Antum aradatum. Anti aradti. Antunna aradtunna. Ana aradatu. Nahnu adadna. Donc tu vois, dès que tu attaches un damir, hormis waw jama'a, qu'est-ce que tu fais? Tu fais fek et les drops, c'est-à-dire que tu sépares. Tu défais l'assemblage qui a été fait entre les deux lettres. Tu les sépares. Maintenant, il te dit quoi? Hadiracha. Isnadu ya'uddu ila dama'ir. Donc maintenant, c'est le mudawalir. C'est le mudawalir. Comment on met le dama'ir en mudawalir? Et là, il y a apparemment une âme particulière. À part peut-être une histoire. Selon les autres, il y a une âme particulière. Juste, tu rajoutes un dama'ir. Hamidun ya'uddu. Ayhua. El awledu ya'udduna. Donc là, il n'y a rien. On a juste rajouté le waw. Waw jama'a. Aminatu ta'uddu. Al-banatu ya'uddu. Tayyib. Ya'uddu afwan. Donc là on a fait quoi? Il est revenu à la waz yaf'ulna. On a défait l'idrom. Anta ta'uddu. Antum ta'udduna. Anti ta'uddina. Antunna ta'udduna. Ana a'uddu, nahnu na'uddu. Donc le seul moment où on sépare entre les deux lettres, c'est avec le nun et l'histoire. C'est tout. Tayyib. Thani Asha. Isna de fiel al-amr min adda il est damayer. Donc maintenant, comment on fait? On met le damayer quand c'est au amr, à l'impératif. Donc là, c'est pareil, ils restent tous normaux, à part avec le nun et l'histoire. Udda ya hamidu. Compte au hamid. Donc là, il n'y a rien. Uddu ya awledu. Comptez au enfant. Donc là, on a juste mis au jamara. Ruddi ya amina. Compte au amina. Là, on a juste rajouté l'yam mukhataba. Et c'est là que maintenant qu'on va faire un fakir drum, on va désassembler l'assemblage, on va désassembler la quand on assemble entre les deux d'elles. Tu dis Urdu dana ya benet. Vous voyez, Urdu dana ya benet. Parce que le nun l'histoire et le taferim, tous les deux, ils ont quoi? Ils ont besoin d'une lettre sakine devant eux. Donc tu es obligé de défaire entre les deux lettres. طيب ثالث عشر تعمل استعمال كلمتين كوت وابدا. C'est quoi la différence entre كوت et ابدا? Le sens c'est le même. Maintenant quand c'est quoi la différence entre les deux? كوت c'est pour la négation. C'est pour dire tu parles du sens. Là quand est-ce qu'on l'utilise? Les deux ont le même sens à la base. Maintenant c'est quoi la différence entre les deux? من حيث الاستعمال non quant à l'emploi. C'est que pour Madi, là, l'autre. Pour la négation Madi. Allez, ouais, quoi, c'est pour faire une négation. Tu nies totalement une chose au passé. Et Abadem, c'est Mustakbel, c'est le futur. Vous voyez, sinon, les deux dans le même sens. Quand, lors d'une négation, il veut dire jamais. Il dit par exemple, Ma fa'altu hadha kot. Je n'ai jamais fait ça. Vous voyez, kot tu. Et là, c'est un zorf zemen. Vous voyez, là, c'est un zorf zemen. Thalithan. Lam akul ta'aman lazizan misle hadha qat. Je n'ai jamais mangé un plat aussi bon que celui-ci. Thalithan. Lima atruk. Lam afan. Atruki salata qat. Walan atrukaha abada. Il dit, je n'ai jamais délaissé la salat et je ne la laisserai jamais. Et là, il faut dire, Inch'Allah. Rabi'an. Lam asma' kalaman misle hadha qat. Je n'ai jamais entendu une telle parole. Khamisan, kifa taqul innaka ra'aytani fil Hind ana ma dhahabtu lil Hind qat. Il dit, comment dis-tu que tu m'as vu en Inde alors que je n'ai jamais été en Inde? Donc il dit qattu khassun bil madi. Qat c'est spécifique au passé. Wa abada khassun bil mustaqbal. Abada c'est propre au futur. Rabi Ashar, ta'amil ma yali. Layyinun.